Parce qu'après, on se voit tes spies vite fait là. On va te parler. Tu crois que je serais quoi, gros? Tes spies. La meuf t'a brisé le cœur ou quoi? Non, vas-y, sérieux. Ouais. Wesh, HK bien ou quoi? Gros, ce soir j'ai un plan. C'est quoi les potes? Prends ta paire de couilles et n'oublie pas tes gants. Je te dis ça et je te préviens que le plavant on le fera à deux. Promets-moi, tu dis rien si on se fait péter par les bleus. Tu sais comment faire le fake, de ma confiance et tu finiras planté. J'abonne, je n'ai pas sommeil, je suis l'un de ces négros qui sont pourri gâtés. 4-4 vite teinté, les fous sont éteints pour pas être pisté. Comme tu peux constater, gros, tout est carré, tout est préparé. Tout est carré, tout est préparé. Un plavant parfait, tu sais que je suis paré. Juste négro paro qui va s'en parer. Comme lui, assure-toi qu'il n'y a pas les parents. Paris, qu'on se retrouvera à plat. Bonne pas fin, le rap en place, les plafonds pas vu. Depuis l'époque des plafonds, chaque fois on se manque, on fixe le plafond. Ouais, cherche que c'est comment mon gars, ma gueule, voilà. C'est où, chelou, hein. Chaud, on le fait ou vas-y, frère. Ah, c'est pas dur. Enfoiré. Bon, vas-y, prends le gosse sur la top. Bien style, bien style. On sera tous les deux, on va vestir les bleus. On est inséparables comme la Jamaïque et la deux. Y'a des billets bleus, dans les poches, si j'en veux. Et même s'il pleut, le plafond, on le fera à deux. C'est quoi les bails, je suis posé dans le bac, cherchant un plongeant art, j'ai trop la dalle, j'ai besoin de monnaie, quitte à faire du placard. Mais si t'es chaud, gros ce soir j'ai un plan, tu cambies sur les champs, de rue de la grande armée, une caméra d'entrée, une sécu bien confrée. Mais t'inquiète mon ego, j'ai de quoi l'assommer, ou de quoi le faire trembler. À moi je le pisse, PDG d'un chantier, son appart est acheté. Eh mon poteau, rendez-vous 22h, on va pas trop parler. On fait à deux, on déboule à minuit et on part en moins de deux. J'avoue que je suis motivé, le manque de sous, je peux pas le supporter. Brigo vite, j'ai vu la daronne pleurer après le passage l'huissier. Et mon gars, ta confiance tu l'as, tu peux compter sur moi. Et c'est dans le silence le soir qu'on s'introduira. Bye. J'espère que t'as pisté, pété les caméras, ici y'a drap. Prépare un plan B, de quoi se faire la main. Si elle nous se fait choper, t'as qu'à dire que t'étais pas là. Et puis voilà, bon je crois qu'on s'est tout dit, on se prépare, on y va. On va vestir les bleus, on est inséparables comme la Jamaïque.